est-ce qu'on voulait? Thank you. history. In the big history. Bootlegger, feeling, feeling. Retombant sur nos habitudes, roulant camp. Convoquant le ciel. Géométrie variable. Lune. Convoquant. We have two ends. We have heads, instruments, heads, hands. System. Yeah, I know I need to use the mouth. Rhythmatics. Yeah, I know you need. You know, yeah. System. Thank you. Rhizomatic system. Rhizomatic system. Able to create a fun. In a system, a system with your system. Restoring with my friends, musicians all around the world. the weight no more. Push off. Cette civilisation, début du monde, j'espère vous aime au moins, mon ami, toi et moi, notre famille. Nos amis musiciens, we'll be right back. pleines conditions. Bien sûr. Jugement, concentrons-nous. Début, la fin. Les possibilités restreintes s'offrent à nous dans ce monde autoritaire du capitalisme. Sunday morning, I'm waking up. La violence symbolique. Les discriminations. Plus ou moins vitales. Discrimination théorique, symbolique. économique, politique. Quand tu la vis, c'est différent. En France, les soignants, demain, vaccination seront virés. D'où je pars, d'où je viens. À tous les humains, ne pourra pas sauver tous les humains. Wake up. Wake up.